Samy auditeur, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Guimauzo, 107 MHz. L'émission du lundi, le calendrier des esclavages et des libérations. Y a-t-il plus d'esclavage que de libération ou l'inverse? Je vous laisse juge. Et alors au programme de ce soir, eh bien bon, bien sûr, le calendrier des esclavages et des libérations, puisque c'est le titre de l'émission. Et puis Charline nous parlera du 5, le 5, nous déclare-t-elle, le 5, je travaille, voilà. Alors, voilà. Ensuite, le 2 décembre de 1959, catastrophe de mal passé. Et ensuite, eh bien, en 1848, il y a une autre vague, et la vague révolutionnaire en Europe. Apollinaire nous lira Le pont Mirabeau. Alors vous excuserez Apollinaire et les enregistreurs de l'époque, parce que c'est un disque en cire qui est enregistré en 78 tours à l'époque. Hein. Bon, voilà, c'était pas les techniques de maintenant. Hein. Ils faisaient comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient. Les centrales nucléaires, attention, danger imminent. 5 colonnes à la une nous parlera de Fréjus, 2 mois après la rupture du barrage. Hein, vous vous rappelez, le barrage de Fréjus, c'était une catastrophe terrible, qui a laissé des traces dans la mémoire des Français, des habitants de la vallée, pendant très longtemps. Et bien sûr, les centrales nucléaires, bien c'est Fréjus en bien pire. Hein, oui. Les dégâts qui sont très visibles immédiatement, et puis tous les dégâts qui sont pas visibles, parce que la radioactivité, ça se voit pas, ça ne se sent pas, ça ne s'entend pas, hein, mais ça fait des dégâts qui sont très très importants, sur plusieurs générations, sur des générations. Sur combien de générations exactement, on ne sait pas encore, mais enfin on sait que ça durera longtemps, et qu'il y aura des dégâts très très très importants. Sur le plan biologique, ça va impacter la santé humaine pas seulement humaine, mais surtout humaine, très longtemps. Et puis, Clément Viktorovitch nous parlera, lui, de la réforme des retraites. Sur Canal+, Viktorovitch nous explique les choses en faisant très attention au vocabulaire, la façon d'utiliser la langue, d'utiliser le vocabulaire. Hein, et il nous montrera que bien souvent les journalistes nous manipulent en utilisant un mot à la place d'un autre. En français, les synonymes, ils sont presque équivalents. Presque, on peut remplacer souvent un mot par un autre mot. Sauf que, entre le premier et le deuxième, il y a une petite différence de sens. Il y a une petite différence de sens. Quelquefois, elle est même plus importante qu'il n'y paraît, cette différence de sens. Et ces journalistes-là, ils savent utiliser, eux, les petites finesses du langage pour nous induire en erreur. Eh oui, voilà. Alors, Clément Viktorovitch, lui, il nous explique tout ça. Hein. Voilà, eh bien, bonne soirée, et puis, à la semaine prochaine. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Cette petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es partie fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon, je joue, tu chantes, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière là, là, là, là. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la jouent toujours pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la jouent toujours pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé dans notre beau monde le 16 décembre ? Eh bien, le 16 décembre 1773, aux USA, partie de thé de Boston, point culminant des incidents entre colons et troupes britanniques. Un groupe de colons déguisés en indiens jette à la mer une cargaison de thé amenée par la Compagnie des Indes. Le gouvernement britannique réagit par les lois intolérables. Aucune ressemblance avec aucun événement actuel, bien entendu. Hein ? Non. Bien sûr que non. Les agents provocateurs, ça ne peut pas exister. Ça ne peut plus exister. 1871, en France. Louise Michel, la Vierge Rouge pour le peuple, une pétroleuse pour les autres, est déférée devant le conseil de guerre de Versailles. Elle déclare, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Condamnée à la déportation perpétuelle en Nouvelle-Calédonie, elle sera amnistiée en 1880. 1890, France. Un ouvrier de Revin rapporte de la chambre syndicale de Charleville de l'argent pour les grévistes. 12 francs par ouvrier pour une semaine. Ils toucheront cette rémunération jusqu'à la fin de la grève. 1893, France. Vote de la deuxième loi anti-anarchiste, loi scélérate. Elle étend considérablement la notion d'association de malfaiteurs.

Charline Vanhoenacker, la grève de jeudi a son corollaire, un mouvement anti-gréviste, favorable à la réforme des retraites, un mouvement qui s'exprime sur les réseaux sociaux à travers le hashtag le 5 je travaille. Parfaitement, c'est moi qui ai lancé ce hashtag, alors ne comptez pas sur moi le 5 pour manifester, moi je serai au travail pour soutenir les réformes du gouvernement. Les grévistes peuvent bloquer tout ce qu'ils veulent, je m'en fous, je me suis acheté une trottinette électrique pendant le Black Friday, hein, parce que c'est quoi ce pays dans lequel tout le monde chouine quand il n'a pas de boulot, et puis il se met en grève dès qu'il y en a un, hein. Alors jeudi, on a prévu des actions fortes pour montrer notre présence au bureau. Dès 9h, on fait un Facebook Live. Nous serons en direct depuis notre open space pour montrer qu'on est tous à notre poste. Puis vers 11h, on aura une assemblée générale menée par la direction pour discuter des dossiers qui seront traités jusqu'à terre dans la soirée. Car nous appelons tous les employés à faire jeudi des heures supplémentaires non payées. Dès midi, sandwich, on déjeune tous derrière nos écrans en prenant des selfies qu'on diffuse sur Instagram. Hashtag Dominique, hashtag le 5, je travaille. Oh là là, ça va buzzer à la rédaction des Échos, ça va être fou. Alors nous aussi, on a des slogans qu'on peut scander dans notre lieu de travail, comme par exemple « Darmanin, t'es trop beau, les Français sont au boulot !» Ou bien encore « Gréviste, si tu savais, ta manifou, on se la met, au cul, au cul, aucune hésitation, le 5, je serai en fonction !» Alors, ils me font marrer, les Che Guevara de la fonction publique. Hein, vous êtes bien réveillés, là, je pense. Ça, c'est bon. Ils sont persuadés que le nouveau régime des retraites va diminuer leur pouvoir d'achat, comme s'ils savaient ce qu'il y avait dans la réforme. Ils en savent rien, même au gouvernement, personne ne sait qu'il y a dedans. Alors, vous avez entendu les explications d'Édouard Philippe ? Moi non plus, j'ai rien compris, voilà. Mais je lui fais confiance. Alors, stop aux privilèges des régimes spéciaux. Les cheminots, par exemple. J'ai vu une infographie sur Twitter qui montre qu'un cheminot sur trois part à la retraite à 32 ans, avec 3000 euros net par mois, plus un panier garni et un porte-clé SNCF. Je l'ai lu sur Twitter, je vous le dis. Vous savez ce qu'ils cherchent, les manifestants ? Ils cherchent à diviser les Français. Trouvez ça normal, vous, que les cheminots ne payent pas leur déplacement en train ? Et de quel droit, hein ? On se bat pour garder nos acquis sociaux, gna gna gna, non mais oh, on n'est plus en 95, hein ? Tu veux avoir des acquis sociaux ? Bah c'est à toi de les acquérir, voilà. Même ici, à Radio France, sacré repère de fumistes. Hein. Remarque, au moins, vous passez de la musique. Je préfère encore ça que l'émission des bolcheviks belges, là. Viennent chez nous pour piquer notre travail, après ils se mettent en grève, on aura tout vu. J'ai été voir, il restait plus rien. Plus une trace. Et sa maman ? Elle est morte. Nous sommes le 5 décembre 1959. Trois jours plus tôt, à 21h13 exactement, des pluies diluviennes s'abattent sur la région du Var. La ville de Fréjus est soudain plongée dans le noir, puis un énorme grondement se fait entendre. Le barrage de Malpassé, construit 5 ans plus tôt, a cédé. Le barrage a été littéralement éventré par les 50 millions de mètres cubes d'eau. L'énorme vague a roulé vers la petite localité endormie, à 80 km à l'heure, emportant tout sur son passage. Tout sur son passage, dont des centaines de vies humaines. Bilan total, 423 morts. Mais quelques jours après la catastrophe, le recensement n'est encore que partiel. Le désastre humain est effrayant. Plus de 350 cadavres arrachés à la boue. La ville ressemble à un véritable champ de bataille. Et les témoignages des rescapés sont glaçants. La maison tremblait de tous les côtés. Nous sommes restés dans le grenier. Toute la nuit, 10 heures de temps à entendre et sentir bouger le moulin. Et le matin, on nous criait « Courage, courage, vous avez tenu jusqu'à maintenant, vous tiendrez encore. » Les dégâts matériels sont considérables. Les réseaux d'eau et d'électricité sont détruits, comme des centaines d'habitations et de fermes, ou encore 1600 mètres de voies ferrées. Les dons affluent de tous, y compris des artistes, comme le relègue Pierre Tchernia, présentateur de l'ORTF. Eh bien, maintenant, nous arrivent des nouvelles des théâtres de Paris. Et ce n'est pas étonnant, bien sûr, tous les artistes ont voulu se solidariser. Au total, 9 milliards d'anciens francs ont été récoltés. L'élan de solidarité touche même l'armée américaine, qui vient en aide aux sinistrés. Ravitaillement en eau et nourriture, vaccination, campagne de dératisation, peu à peu, la solidarité aide Fréjus à se reconstruire. Ce mercredi, l'angoisse se dissipe. L'énergie et le courage des sauveteurs et des survivants sont quelque chose d'admirable. Fréjus travaille et se retrouve en pansant ses plaies. Les souvenirs restent forts dans la mémoire collective des habitants de la région qui commémorent chaque année le drame. 50 ans plus tard, Marie-Christine en garde un souvenir très précis. Quand on était petit, pour moi, j'avais l'impression que c'était la guerre. Quoi. Ouais. La guerre, tout était sous la boue. On était vaccinés à des TTAB, il y avait des enterrements collectifs. Un procès sera ouvert, mais aucun coupable ne sera désigné. L'ingénieur du projet, quant à lui, se suicidera 6 mois après l'événement. La rupture du barrage de Malpassé restera l'une des plus grandes catastrophes civiles du XXe siècle. En 1846, l'Europe est touchée par une grave crise économique. Et la France, malgré sa réelle prospérité, n'y échappe pas. Consécutivement, les émeutes et les revendications politiques pleuvent et aboutissent à la Révolution de 1848. L'armée tire sur la foule, faisant une cinquantaine de morts. Le 24 février, le roi abdique et la République est proclamée. En Europe, dès les années 1820, on assiste aux premières victoires nationales. La Grèce devient indépendante et se libère de la domination ottomane en 1829. En 1830, la Belgique, soutenue par la France et le Royaume-Uni, se sépare des Pays-Bas. La même année, la Serbie proclame son autonomie. En Allemagne, on crée une zone d'union douanière, le Zollverein. L'Italie, sous influence autrichienne, représente le mouvement national le plus dynamique d'Europe. Et se manifeste par la résurgence de la culture italienne. Le Risorgimento, illustré par les poètes, les écrivains et les musiciens tels que Verdi, auteur d'opéra patriotique, ou bien Mazzini, fondateur du mouvement Jeune Italie, qui réclame une république unitaire. Mais c'est en mars 1848, à la suite de la crise économique, que les manifestations révolutionnaires prennent une ampleur considérable. La flambée révolutionnaire amorcée par la France embrase l'Europe de Metternich et fait trembler l'empire multiséculaire des Habsbourg. Autrichiens, Allemands, Polonais, Tchèques, Hongrois, tous se révoltent. C'est le printemps des peuples. Pourtant, dès le mois de juin, l'armée autrichienne aidée par la Russie étouffe un à un les foyers révolutionnaires. Les armées italiennes sont battues à Custoza, puis à Novare. En Allemagne, le Parlement de Francfort, né de la Révolution, est mis au pas et la Confédération germanique, définie par le Congrès de Vienne de 1815, est rétablie à Olmütz en 1850. Partout, le retour à l'ordre est synonyme d'une répression violente, marquant de manière cinglante l'échec des mouvements nationaux. Mais le nouveau contexte international qui émerge dans les années 1850 offre de nouvelles voies aux aspirations d'unité nationale, notamment pour l'Allemagne et l'Italie. Le pont Mirabeau, où le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Paysage lacustre, personne ne le verra plus jamais. C'est le barrage de Malpassé, avant qu'il ne devienne ceci, que les caméras de Saint-Colonne à la Une ont survolé en hélicoptère 2 mois après la catastrophe. Deux petites silhouettes vont vous donner l'échelle. L'une d'elles est la mienne, l'autre est celle du gardien du barrage, M. Ferrou. Revenu avec moi sur les lieux où, un soir de décembre comme les autres, il venait d'achever sa tournée, comme chaque soir. Monsieur Ferrou, il y a 2 mois, presque jour pour jour, quelques instants avant la catastrophe, vous étiez ici où vous êtes en ce moment. Oui, c'est ça. Il était 7h30. J'ai parcouru le barrage, l'encorbellement. Oui. Je regardais si tout allait bien, si le barrage avait atteint sa cote maximum. Oui, et un peu plus tard, vous êtes descendu au pied du barrage. C'est ça, j'ai suivi, j'ai descendu par les escaliers qui longeaient le mur du barrage. Oui. Je suis allé sur l'autre rive. Lorsque M. Ferraud termine sa tournée ce soir-là devant la petite cabine au pied du barrage, il regarde sa montre. Il est 9h moins 20. De son pas tranquille, il suit le chemin que recouvre aujourd'hui la surface des eaux et rentre chez lui comme chaque soir. 9h, il pose sa main sur la poignée de la porte et entre. Un souffle formidable l'avertit qu'un cataclysme est arrivé. Avec sa femme et son bébé, il grimpe sur la colline derrière chez lui. Une immense vague vient déferler à ses pieds. Il sait que le barrage a cédé. Une vague de 50 millions de mètres cubes d'eau qui a suivi exactement ce chemin que vous allez suivre, comme si vous étiez porté par elle. Une vague d'une force inouïe qui est venue battre d'abord contre cette montagne. Avant de trouver ensuite l'entrée de la vallée. Une vague qui charriait avec elle dans son courant, comme des galets de 200 tonnes, ces énormes blocs de ciment et de roches. Ici, il y avait des maisons. Ici, ce soir-là, il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui venaient de se retrouver ensemble, la journée terminée. Dans l'une de ces maisons, tous les soirs à 7 heures, Madame Trujillo se couchait aux côtés de son mari et près de ses trois enfants. Tous les soirs, sauf ce soir-là. Car ce soir-là, Madame Trujillo était à l'hôpital de Fréjus, où elle venait de mettre au monde son quatrième bébé, le seul être vivant aujourd'hui qui ne soit pas pour elle un étranger. Est-ce que son père a vu le petit garçon, Madame Trujillo? Oui, monsieur. Il l'a vu. Il l'a embrassé et il a pleuré, mon fils. C'était le jour de la catastrophe? C'est le jour de la catastrophe de Chorosevan. De Chorosevan, il l'a vu. Il a embrassé lui, son petit, son frère aussi. Sa petite soeur, il a fait la vis et il a plus retourné à moi. Votre maison est complètement démolie? Elle est complètement démolie, il n'y a plus rien. Ici, vous habitez chez des amis qui vous ont donné l'abri? Oui, je habite chez M. Vieux et Mme Vieux. Ils ont été très gentils pour moi, comme si j'avais été mon père et ma mère. C'est pour ça que je remercie beaucoup tout le bien qu'ils me sont fait dans ce moment. Vous êtes espagnol? Oui, monsieur. Mais vous ne pensez pas rentrer, retourner dans votre pays, en Espagne? Moi, je ne pense pas parce que ça n'est tout mon bien en France. Ce n'est tout ce que j'ai aimé, je le conserve en France, je ne veux pas retourner en Espagne. Madame Trujillo voudrait maintenant que son fils et elle soient naturalisés français. Vous vous demandez ce que vous avez fait pour elle. Sur les 6 milliards qui ont été collectés, elle a touché 270 000 francs. Elle en touchera encore 700 ou 800 000. Et il est probable que les études de son fils, s'il en fait, seront payées grâce à vous jusqu'à sa majorité. Quelques secondes après la maison de Madame Trujillo, les 50 millions de mètres cubes d'eau ont rencontré sur leur passage la ferme de M. Adelin Martel. Un ouvrier agricole, ancien prisonnier de guerre allemand qui avait préféré ne pas revenir dans son pays, venait de s'endormir, sa journée terminée. Monsieur Martel, lui, n'habitait pas sa ferme, il en vivait. Aujourd'hui, voici ce qui en reste. Alors c'était là votre propriété, monsieur Martel? Oui, c'était là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette terre? Dans cette terre, il y avait de la vigne, il y avait des pêchers qui faisaient la renommée de Fréjus. Et bonne pêche. Bonne pêche de Fréjus, avec ses randonnées mondiales, qu'on ne verra pas de sitôt, parce que vous voyez, partout c'était emporté. Où était votre maison? Ma maison était là dans le coin, vous voyez, il ne reste plus rien. C'était ma joie, c'était de mon père, je l'avais bien réchelandé, je m'étais réservé une pièce pour moi, pour venir le jour, passer la journée tranquillement. Faire la sieste. Maintenant, c'est fini, je ne pourrais plus. Devant, il y avait un arbre. Devant, il y a un arbre aussi. Où c'était ma joie, l'été on venait avec des amis, on fait notre petit gueuleton, on était si bien, on faisait la partie de boule, de pétanque, maintenant tout ça c'est fini, on ne le verra plus. Combien il faut de temps pour refaire une propriété? Il faut compter au moins dans les 4 ans, avant que ça empêche sur le côté quelque chose. Surtout qu'on ne commencera pas à 61 de planter. Si, il faut simplement la remise en état des terrains. Et vous n'avez pas envie de le refaire? Non, je n'ai pas envie de le refaire. Parce qu'à mon âge, 70 ans, qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais replanter, oui, je n'ai plus la force déjà, bientôt. Et puis, il faut des capitaux. Où aller trouver ces capitaux? Mais si l'État, l'aide de l'État, vous le voyez, n'est pas formidable. Il parle d'affaires d'emprunt. Voulez-vous que je fasse l'emprunt à 70 ans? Qu'est-ce qui va le payer cet emprunt? Mes enfants, je ne veux pas laisser mes enfants dans la misère après, plus tard, parce que l'État, s'il donne de l'argent, il faut le rembourser après, vous savez. Et combien il vous faut d'années pour entrer dans vos frais? Oh, pour entrer dans les frais, il faut bien quelques années, vous savez. Ce n'est pas la première année qu'on peut récolter un peu de récolte. Mais je ne sais pas, moi, il faut compter au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Alors, à ce moment-là, moi, je serais longtemps que je serais mort. Qu'avez-vous fait pour M. Martel? Eh bien, s'il persiste à ne pas vouloir reconstruire sa ferme, il ne touchera que 1 million. Ayant dépassé la ferme de M. Martel, les 50 millions de mètres cubes d'eau arrivent en vue de Fréjus, à l'entrée de cette rue de Verdun où seules les arènes romaines ont su lui résister. Regardez. Que sont devenus les habitants d'ici, ceux qui ne sont pas morts? Dans ces maisons de Fréjus, derrière ces fenêtres qui n'ont pas vu passer la formidable vague, certains d'entre eux ont retrouvé provisoirement chez des parents, chez des amis, un foyer. Les autres, ceux qui n'avaient ni parents ni amis pour les recueillir, eh bien, ils habitent maintenant un étrange petit village de Lilliputiens qui a surgi entre le clocher et le cimetière. Les maisons sont si petites que pour filmer la famille Sorbier qui habite l'une d'elles, nous avons dû, malgré la pluie, installer nos caméras dehors. À l'intérieur, nous n'avions pas le recul nécessaire. Et pourtant, 4 personnes y vivent, Madame Sorbier, ses 2 fils et sa belle-fille. Quel âge avez-vous, Monsieur Sorbier? 28 ans, monsieur. Et votre profession est maçon? Et maçon. Depuis la catastrophe, vous avez travaillé? Je n'ai pas travaillé à cause de chômage. Nous avons eu le chômage à cause de la rupture du barrage. Madame Sorbier, c'est vous qui faites le ménage dans cette maison? Vous vous faites à cette maison? Oui, monsieur. Vous y habituez? Pas trop. Pas trop. J'en fais un attendant. C'est petit? C'est très petit. Combien y a-t-il de lits? Il y a 4 lits. Et vous n'avez pas d'enfant? Non, nous allons en avoir un pour le mois de mai. Et vous pourrez, vous croyez, avec un enfant, continuer à habiter dans cette maison? Oh, non, je ne crois pas. Et vous espérez que vous aurez un autre logement? Oui, on espère. Sur vos 6 milliards collectés, M. et Mme Sorbier ont touché 165 000 francs. Ils toucheront encore 5 à 600 000 francs. Brisant la digue de la voie ferrée, la vague se répand maintenant dans la grande plaine vers la mer. Il y a moins de 20 minutes que là-haut, à 7 km de là, le barrage a cédé. Et voici ce qui reste. Seul, au milieu de ce paysage de boue séchée, le fantôme d'une maison. Seul survivant, André Méraud et son frère. Son frère est encore à l'hôpital. C'est là tout ce qui reste de votre ferme, Monsieur Méraud. Oui, monsieur. C'était une très grande ferme. Elle faisait environ 290 mètres carrés. Combien y a-t-il de pièces d'habitation? 6 pièces chez nous et 4 pièces pour les ouvriers. 4 pièces dans une maison à côté? Non, la même maison. Même maison. Et combien de personnes habitaient cette ferme le soir du drame? Dans les 2 fermes, il y avait 17 personnes. Il en reste? Il en reste 2. Votre frère et moi-même. Où vous trouviez-vous personnellement, Monsieur Méraud, au moment du drame? J'étais couché au premier étage. Dans quelle chambre? Dans la chambre où il reste 2 meubles. Le lit était sur la partie du plancher qui a disparu? Sur la partie qui tombait, oui. Vous dormiez? Je dormais, j'étais réveillé par la façade qui est tombée. Et alors que s'est-il passé? Vous avez eu le temps de sortir de votre lit? J'ai eu le temps de descendre du lit. Je suis allé à côté, voir si mes parents étaient dans les chambres. Il n'y avait plus rien. Où se trouvaient vos parents? Mes parents étaient en bas. Ils regardaient la télévision. Et alors que s'est-il passé à ce moment-là? Il paraît qu'il y a eu une coupure de courant. Ils sont sortis dans le couloir et ils ont été pris dans l'eau. Et votre frère? Mon frère était avec eux. Et votre frère, cependant, n'a pas disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été emporté par l'eau, puis il s'est raccroché à un arbre devant la maison. L'un des platanes qui est devant la maison? Il s'est accroché à un cyprès. Et des cyprès, il a réussi à revenir sur le platane. Et il a passé toute la nuit sur ce platane? Toute la nuit, oui. Vous aussi, vous êtes venu le rejoindre? Je suis venu le rejoindre après. L'exploitation comprenait une autre maison aussi, je crois, monsieur. Une autre ferme, oui. Oui, qui était derrière vous. Derrière, vers la voie. Oui. On n'en voit plus rien. Il reste uniquement les fondations. Vous aviez combien d'hectares ici?

n'ont pas conscience que nous avons besoin de financement citoyen. Nous ne dépendons que de vous, alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Thierry Gadeau, je suis content que tu sois là, parce que je t'ai invité en lisant Le Canard enchaîné la semaine dernière, avec ce titre qui, moi, m'a complètement affolé. Enfin, et je ne suis pas le seul. Parce que souvent, dans la presse, tu as des choses comme ça, tu as des infos, tu te dis, mais si c'est vrai, mais faut fuir, quoi, faut quitter ce pays. Donc le titre, c'était « 44 vieilles cuves qui menacent la moitié du parc nucléaire français ». Ces réacteurs tiendront-ils 10 ans de plus? Les gendarmes de l'atome ont comme un doute. Et là-dessus est venu le tremblement de terre de cette autre centrale. Et je me suis dit, mais qui inviter pour parler de ces questions du nucléaire? Sinon, mon copain et le meilleur spécialiste, à mon sens. Hein, chaque fois que je te vois intervenir là-dessus, je connais tes bouquins du nucléaire en France, c'est-à-dire toi, quoi. Et donc, comment tu t'as réagi quand tu as vu le papier du Canard? D'abord, j'ai lu le papier du Canard. Ensuite, j'ai lu la note de l'IRSN. Donc, c'est le bras technique, le bureau technique de l'ASN, de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation qu'en fait le Canard. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une dizaine de cuves, très exactement, qui sont dans un état assez délabré. Donc la cuve, c'est le récipient qui permet de faire la réaction nucléaire, qui fait chauffer l'eau, qui permet ensuite de produire l'électricité. Donc ces cuves ne peuvent pas être changées parce qu'elles sont très radioactives. Et on sait, moi pour avoir eu les rapports d'EDF jusqu'à 35 ans... Je vais te couper quand je comprends pas, donc tu m'excuses. Ça veut dire que si on peut pas les changer... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser avec un risque quand même assez inouï Je vais reprendre au tout début. Quand on construit le parc nucléaire, on le construit, évidemment, il faut dimensionner les équipements, savoir quelle doit être la taille de la cuve, la taille des équipements, la taille des enceintes, etc. Et donc, à partir de là, l'un des critères, notamment, c'est de savoir combien d'années d'exploitation. Donc, on décide 40 ans. Pour avoir une marge, parce qu'en fait, à l'époque, on imaginait faire fonctionner les réacteurs nucléaires entre 25 et 35 ans. Donc on se dit, si on prend une marge de 5 ans supplémentaire, c'est bon, on n'aura aucun risque d'accident. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on arrive aux 40 ans. Et EDF qui est en faillite financière, impose ou cherche à imposer une prolongation du parc nucléaire et donc aller au-delà à 50, voire même 60 ans. Donc la question se pose, est-ce que les cuves qui ont été faites pour durer en toute sûreté pendant 40 ans peuvent être prolongées? Quand on prend les rapports d'EDF à l'issue, alors les rapports les plus récents que je connaisse, c'est ceux qui ont été faits à 35 ans, pour les centrales qui avaient atteint cet âge-là, ou les prévisions à 35 ans, puis à 40 ans, on a 10 cuves, clairement, qui sont identifiées comme pouvant ou ayant plutôt des fragilités qui peuvent remettre en cause la sûreté au-delà de 40 ans. Le rapport auquel que s'est procuré le Canard enchaîné estime, en fait, ils préparent donc la prolongation du parc nucléaire et ils disent que les éléments qu'ils ont aujourd'hui sur l'état donc de ces 44 cuves n'est pas suffisant pour dire si elles peuvent toutes être prolongées ou pas. Quand on lit le rapport, on voit que quelque part, ils entérinent la prolongation de la cuve de Tricastin. 1. C'est la première centrale nucléaire. La plus vieille. C'est pas la plus vieille, mais c'est la première qui passe les 40 ans, enfin, qui va être autorisée à être fonctionner. Fessenheim va être arrêté. Tout à fait. Il y a Fessenheim d'abord, il y a Le Bugey ensuite, et après, il y a Tricastin. 1. Mais bon, il se trouve que, comme on a pris beaucoup de retard dans l'examen des centrales nucléaires, l'ASN a décidé d'aller à Tricastin, Tricastin 1, parce que c'est une cuve particulièrement fragile. Mais dans le rapport donc de l'IRSN, la façon dont il est rédigé donne l'impression que l'IRSN a déjà validé l'extension de 10 ans supplémentaires de Tricastin 1. Alors moi, les éléments qu'on a publiés avec Hugues dans le bouquin, dans notre livre « Nucléaire, danger immédiat », c'est que cette cuve est extrêmement fragile et atteint déjà les limites de sûreté. Donc, moi, je suis donc aussi inquiet que le canard, mais pour une autre raison. Et je trouve que, après, leur conclusion qu'ils en tirent sur les autres cuves est un peu exagérée, parce que c'est plus un défaut d'information de l'IRSN qui leur fait dire qu'ils sont incapables de dire si on peut ou continue ou pas, plutôt que de dire il y a un vrai problème technique sur ces cuves-là. Si toi, on te donnait le choix d'habiter en France, à côté d'une centrale nucléaire, laquelle il faut éviter? Aucune. C'est-à-dire, tu voudrais inviter... Ah non, moi, je vais dans les Pyrénées... Non, mais sérieusement. Non. Sur le parc, il y a combien de centrales nucléaires en France? Donc, on a 58 réacteurs répartis dans 19 centrales nucléaires. C'est essentiellement la vallée du Rhône, la vallée de la Loire... La Moselle, oui. Donc, on en a un peu dans l'Est. Cattenom, Chaux et puis Fessenheim. Et puis, les autres sont en Normandie, sur la côte. Toi qui connais bien ces centrales, qui connais leur âge, qui connais bien l'histoire interne d'EDF. Aucune. Aucune quoi? Aucune. Je n'habiterai à côté d'aucune. Il y a un réel danger. Il y a un réel danger qui est évident, puisque, donc, une centrale nucléaire, pour fonctionner, a besoin d'uranium, d'un combustible nucléaire, qui est l'uranium, et puis il y a un deuxième combustible qui s'appelle le MOX, qui est un mélange uranium-plutonium. Évidemment, on utilise pendant 12 mois ou 18 mois ce carburant nucléaire, et puis au bout d'un moment, il faut le sortir parce qu'il s'use. Et donc, on le met dans une piscine qu'on appelle une piscine de désactivation pour le faire refroidir avant de pouvoir le transporter à La Hague. Donc, la période de refroidissement, c'est entre 4 et 7 ans. Ces piscines sont installées dans des bâtiments, un bâtiment piscine, qui est extérieur au bâtiment du réacteur nucléaire. Le bâtiment réacteur nucléaire est plutôt bunkérisé par rapport aux risques naturels. C'est pas du tout le cas du bâtiment piscine. Greenpeace a fait la démonstration régulièrement, et la dernière fois, c'était il y a 3 ans à Cattenom, en tirant un feu d'artifice au pied du bâtiment piscine d'un des réacteurs, qu'on pouvait atteindre ces bâtiments piscines, donc détruire les piscines. Et si on détruit les piscines, on provoque un feu nucléaire, un feu de combustible. – Ça, c'est en cas d'attaque terroriste ou en cas de secousse sismique, c'est les deux seules choses qui peuvent atteindre les piscines. C'est en cas d'attaque terroriste, mais aujourd'hui en France, on ne peut pas exclure un risque terroriste. Je crois qu'on a eu quelques attaques, on a eu aussi un incident du côté de Lyon avec un salarié qui a essayé d'attaquer sa centrale, pas sa centrale, mais une installation chimique. Le risque terroriste est avéré. Il est extrêmement facile de se procurer les plans des piscines, je les ai, et de savoir exactement où frapper. Quand on voit, alors je ne vais pas donner le nom de centrale pour ne pas donner des idées à des gens un peu malades, mais quand on fait le tour du parc nucléaire, on voit très bien quelles sont les centrales, quelles sont les piscines qui sont facilement atteignables avec un lance-missile portable qu'on peut abandonner sur place, en toute garantie, c'est-à-dire sans intervention de la gendarmerie et de la police sur place. Avec un lance-missile, tu fais péter quelques centrales, quoi. Enfin, il y en a une, il y en a qui peuvent résister, d'autres pas. Non, en dehors des piscines de la piscine prévue pour l'EPR de Flamanville, qui est dans le bâtiment réacteur et donc dans une coque complètement bunkerisée, les piscines aujourd'hui du parc en exploitation ne sont pas protégées et peuvent être détruites de l'extérieur assez facilement. Et ça, c'est un vrai risque. Je pense que, d'ailleurs, le Luxembourg s'est encore une fois inquiété de l'état de Cattenom, a une nouvelle fois pointé du doigt le problème de sûreté et de sécurité des piscines des réacteurs de Cattenom. Donc, c'est un vrai risque. Alors, le risque d'une attaque terroriste est souvent évoqué, mais là, avec le tremblement de terre qu'il y a eu à Cruas, oui, et qui a frappé aussi Tricastin. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as des informations sur les conséquences qui ne seraient pas sorties dans la presse? Parce qu'il y a des rumeurs sur Internet, mais je n'ai pas pu vérifier. Alors déjà, il faut se méfier des rumeurs sur Internet. Bah oui, c'est pour parce ça que je ne sais pas. Pas des rumeurs. Oui. Il y a des... Alors, quand le tremblement de terre a eu lieu, il y a eu beaucoup d'émotions et des propos un peu hâtifs qui ont été prononcés sur les conséquences potentiel du séisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la centrale la plus proche de l'épicentre, c'est Cruas. Cruas a une spécificité, c'est la seule centrale qui est bâtie avec des normes antisismiques, donc avec les bâtiments réacteurs qui reposent sur des coussins antisismiques. Et donc l'effet immédiat du tremblement de terre était quand même moindre que la magnitude à l'épicentre. Donc en fait, a priori, il n'y a pas eu d'effet significatif sur les centrales nucléaires, en tout cas pas à Tricastin qui était beaucoup plus éloigné, et à Cruas. Bah, on attend aujourd'hui le rapport d'inspection d'EDF qui doit être soumis à l'ASN pour pouvoir démarrer les réacteurs. Mais a priori, encore une fois a priori, l'intensité de l'onde de choc qui a frappé Cruas était très inférieure aux normes de construction sismique qui avaient été retenues pour la centrale. Donc a priori, ne devrait avoir pas de conséquences. Maintenant, on sait que au cours des 5-6 dernières années, EDF a découvert très tardivement des gros problèmes de tenue au séisme sur un certain nombre d'équipements vitaux. Donc, est-ce qu'ils avaient tout découvert ou pas? Ben, on le saura bientôt. Donc ça, c'est déjà un peu flippant. Mais ce qu'on découvre avec ce rapport qu'on peut interpréter de manière différente, c'est que au-delà d'une attaque terroriste ou d'un problème sismique ou tellurique, il y a un risque qui, moi, à la lecture de ces papiers, m'apparaît évident, qui est un risque de vieillissement des centrales, de fissurage. Ce risque-là est évident. Et aujourd'hui, c'est celui que tu dénonces depuis. C'est celui qu'on dénonce et qui était le cœur de notre livre avec Hugues, dans lequel on donne accès à un certain nombre de rapports internes d'EDF. Et tu dis 2 Français sur 3 vivent à moins de 75 km d'une centrale nucléaire. Alors oui. Que la menace d'un accident grave n'a jamais été aussi forte. T'as écrit ça en quelle année, ça? Ça a été publié en février 2018. D'accord. Et donc, c'est clair qu'aller au-delà des 40 ans, pour le Bugey, pour Tricastin, pour Saint-Laurent-des-Eaux, c'est commencer à prendre des risques sérieux avec la sûreté nucléaire. Et on rentre, encore une fois, dans une ère où on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Alors, la politique énergétique de la France et, on va dire, son équilibre économique repose beaucoup sur le tout nucléaire, contrairement aux Allemands, contrairement à un certain nombre d'autres pays, et sur l'EPR. Donc, on voit que alors, est-ce que tu peux déjà expliquer pour la différence entre une centrale nucléaire et l'EPR et pourquoi on nous a autant menti sur le coût de cette EPR qui grimpe, coûte, je sais plus, 4 ou 5 fois ce qui était prévu. On est à 15 milliards, enfin. 4 fois. On est à 12,4 milliards, mais c'est certainement. À Flamanville. Mais certainement pas. En Angleterre, c'est encore plus, non? Oui, mais c'est 2 centrales, c'est 2 réacteurs. Donc. Alors, explique. Alors, les réacteurs en exploitation en France et l'EPR, en fait, c'est le même réacteur. C'est la même technologie, ça s'appelle les réacteurs à eau pressurisée. La différence, c'est que nous, les réacteurs qu'on exploite aujourd'hui, c'est des réacteurs qui vont dans une puissance de 900 à 1400 mégawatts. Et l'EPR, ça sera une puissance de 1600 mégawatts. Qui peut être augmenté d'ailleurs, parce qu'en Chine, c'est plus puissant. Donc, c'est la même technologie, c'est simplement des réacteurs plus gros et qui ont quelques éléments de sûreté supplémentaires par rapport aux réacteurs en exploitation. Mais ils ont, évidemment, comme ils sont plus gros, ils sont et qu'il y a des redondances de sûreté, de systèmes de sûreté, ils sont beaucoup plus complexes, hein, beaucoup plus longs à construire. Et ça a été le problème d'EDF, c'est qu'EDF n'avait pas mesuré. D'abord, On peut s'interroger sur la compétence des dirigeants d'EDF qui ont pris la décision de construire l'EPR. C'était Proglio Non, c'était à l'époque, c'était... Alors, le projet était plus ou moins lancé sous François Rouxli, mais c'est Gadonex, qui est le prédécesseur de Proglio, qui a entériné et lancé et mis en route le chantier en 2007. Pour comprendre pourquoi on arrive au départ à une facture de 3,5 milliards et un réacteur construit en 5 ans pour finalement arriver à 15 ans de construction sans qu'il soit terminé. Il sera terminé quand d'ailleurs fin de 2022, pour un coût aujourd'hui estimé à 12,4 milliards. Mais on sait que le problème, c'est qu'il y a 8 soudures sur un réseau vapeur à refaire, qui sont défectueuses. C'est extrêmement complexe de les refaire. Et moi, d'après les informations que j'ai, l'IRSN, donc toujours le bureau technique de l'ASN, est très sceptique sur la capacité d'EDF à faire cette réparation. En gros, ils vont couper le tuyau, ils vont faire passer un robot qui doit refaire les soudures. Mais pour refaire les soudures, il faut d'abord défaire les mauvaises soudures. Et quand on défait une soudure entre deux tuyaux, les deux tuyaux ne sont plus alignés. Donc comment on fait pour réaligner les tuyaux et permettre au robot de refaire la soudure? Pourquoi c'est des robots? Parce que EDF pensait que c'était la solution la moins chère. Et donc l'autre solution, c'est en fait de démonter comme les tuyaux. Ils ont fabriqué des robots exprès pour faire ces soudures. Oui, sauf qu'il faut pouvoir avoir les deux tuyaux, les deux parties de tuyaux alignées. Et quand on défait une soudure, forcément l'alignement saute. Alors du moment où l'alignement saute... Ça fait quelle taille un tuyau comme ça? Dimensions. On refabrique pas entièrement un tuyau. Parce que dans ce cas-là, faut casser une partie de l'enceinte. Ah, putain. Et donc, parce que c'est effectivement l'autre solution, c'est d'enlever complètement le tuyau, de refaire les soudures en atelier et de reposer le tout. Mais pour ça, faut casser une partie de l'enceinte, de la double enceinte. Est-ce qu'on n'est pas dans une histoire qui devient vraiment délirante, là? Shadok pompé, c'est Père Ubu, c'est Kafka, c'est tout ça en même temps. Mais c'est normal, c'est le déni de réalité des ingénieurs d'EDF. Explique ça. Rentre... Ce problème, ils le connaissent depuis 2015. Ils n'ont rien fait. Alors, pour le coup, je suis en train de faire une enquête sur Flamanville. Donc, j'ai eu accès à des salariés... d'EDF comme de la sous-traitance, qui mettent clairement en cause la hiérarchie intermédiaire sur le chantier qui a bloqué les remontées d'informations à la direction générale pour ne pas être mal noté. Il n'y a pas d'autorité de contrôle, enfin de... Non, parce que la désorganisation d'EDF a atteint un tel niveau, et en plus elle est très ancienne, qui fait que, en fait, ça repose... t'es ingénieur, je suis ingénieur, on a confiance. On sort souvent des mêmes écoles. Voilà, c'est cette attitude, cette arrogance, cet orgueil des ingénieurs qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont fait des conneries. Mais on a connu ça dans d'autres industries, dans l'aéronautique chez Airbus avec la 380, toujours dans l'aéronautique avec le Concorde. – Tu as aussi écrit ce livre, EDF, la bombe à retardement. Moi, je suis un fils d'électricien, et je connais EDF par mon père et tout ça, mais en tout cas, quand j'étais enfant, même plus tard, il y avait ce que je connais d'EDF, c'est quand même le sérieux de la boîte, une des fiertés du service public. Enfin, jusque dans les années, on va dire, je m'avance un peu, 80, 85, j'ai l'impression que ça marchait plutôt bien. Il y avait une rigueur, il y avait des PDG qui assuraient, des hauts fonctionnaires d'État. Et puis, comment tu analyses historiquement la dérive et parce que là, les médias n'en parlent pas suffisamment, mais la folie qui s'empare de cette entreprise publique. Quand on remonte dans le temps, en fait, c'est une entreprise qui a très bien fonctionné, qui était très bien organisée jusqu'à la fin des années 1980. Il y a une première décision à la fin des années 80, donc ils commencent à mettre en route le parc nucléaire, et puis il y a un certain nombre d'incidences dues à des maintenances mal faites, mal surveillées, et la première conclusion qui tire de ça, c'est qu'il faut beaucoup de monde pour faire la maintenance, et donc, comme c'est pas possible d'embaucher, ils vont tout sous-traiter. Et à partir de ce moment-là, toute la compétence et le savoir-faire industriel d'EDF est abandonné. On passe d'une société d'État nationalisée au début de la libéralisation de pas l'énergie. Pas encore à cette époque-là. Là, c'est vraiment un problème. Le cœur du problème industriel. Pourquoi ils sous-traitent ? Parce que ça coûte trop cher d'embaucher. En gros, il aurait fallu embaucher 20 ou 30 000 salariés pour pouvoir faire la maintenance des centrales nucléaires en plus. Donc, embaucher au statut d'électricien, penser quelque chose, c'est pas un statut à... Ah, ils sont protégés. Hein. Voilà, donc avec un certain nombre d'avantages sociaux, donc on peut que se satisfaire. Mais facture faisait flamber le prix de l'électricité. Et donc, ils préfèrent de se dire, on va faire appel à la sous-traitance, comme ça, on va pouvoir casser les prix de la maintenance et faire en sorte que la maintenance ne nous coûte pas trop cher. Mais en faisant cela, ils ont perdu tout le savoir-faire industriel. Et puis, par ailleurs, la sous-traitance est très mal formée, a des statuts juste ahurissants, parce que certains sont au Syntec, donc l'ingénierie, d'autres sont sur la logistique, ou très peu sont couverts par la métallurgie. Et puis, les appels d'offres d'EDF, c'est toujours le moins-disant financier, donc évidemment le moins-disant social. Donc, on perd, tout au long des années 90, cette compétence industrielle, mais il y avait quand même une direction interne d'EDF qui s'appelait la direction de l'équipement. C'était les gens qui avaient construit à la fois les grands ouvrages hydroélectriques et les centrales nucléaires. Et en 98, quand François Rousseli arrive à la présidence d'EDF, il constate qu'il n'y a plus de grands chantiers, et donc la direction de l'équipement n'est plus utile. Donc il casse cette direction, et donc toute la connaissance de l'ingénierie intime de ces grands chantiers est totalement perdue. Et c'est ça qui amène aujourd'hui EDF dans cette impasse de ne pas savoir construire une centrale nucléaire. Et cet apprentissage-là, il va falloir beaucoup de temps et c'est quasiment impossible à reconstituer. – Mais pourtant, on nous explique que, en tout cas, des ingénieurs français d'EDF sont en Chine pour apprendre aux Chinois à construire des centrales nucléaires, etc. C'est pipeau, ça ou c'est... ?– Ça, c'était vrai dans les années 80, mais aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous pour construire des centrales nucléaires. Il y a 47 réacteurs en exploitation en Chine, il y en a une dizaine en construction. EDF participe à quelques projets avec le principal électricien chinois. Non, ils ont plus rien à apprendre de nous. Mais tu sais, ici, on a reçu Caroline Michel qui a écrit un livre qui s'appelle La syndicaliste sur l'histoire de Maureen Kearney, cette syndicaliste qui a essayé de dénoncer le transfert de technologie, enfin, je résume, de la France vers la Chine. Est-ce que ça veut dire... Quelle est la part d'espionnage industriel ? Quelle est la part de corruption ou de compromission dans ce transfert de technologie ? Alors, pour comprendre les enjeux, il faut se replacer un peu dans le passé. D'abord, il faut savoir que la Chine fait à la France ce que la France a fait aux États-Unis. Parce que quand on parle, par exemple, d'excellence de la filière française, il n'y a pas d'excellence. EDF, pour construire ses centrales nucléaires, a acheté un brevet aux États-Unis, a acheté les plans d'une centrale nucléaire américaine le brevet appartenait à Westinghouse, et l'a francisé. Donc on a payé d'abord des royalties à Westinghouse, et on a copié ce qu'ont fait les Américains. Les Chinois ont fait exactement la même chose. C'était quand ? C'était à la fin des années 70 Nous, en France, c'est dans les années 70. Donc en 83, si ma mémoire est bonne, EDF et la Chine signent un accord pour construire la première centrale nucléaire d'Ayabé. Et on commence à transférer, évidemment, les compétences de la même façon que les Américains nous ont transféré les compétences. Donc il n'y a pas d'espionnage. Il n'y a pas d'espionnage économique, il n'y a pas de violation de copyright. Il n'y a rien de tout ça. Après, il y a eu le problème avec la Chine, c'est que dans les années 2000, Areva a commis des faits de corruption en Chine. Ça, personne n'en parle, mais c'est le cœur du sujet. Sous la présidence d'Anne Lauvergeon ? Du temps de la présidence d'Anne Lauvergeon, donc à la fin des années 2000, tous les dirigeants du complexe nucléaire chinois ont été arrêtés et condamnés, pour certains, à la prison à vie, pour des faits de corruption. Et la presse chinoise a écrit que c'était Areva qui les avait commis, ces faits de corruption. Avec le transfert de technologie sous l'ère Proglio, excuse-moi, mais c'est le cœur. C'était la contrepartie réclamée par les Chinois pour nous faire payer la corruption qu'on avait organisé. C'est tout. Et parce que là, je pense que les gens ne comprennent pas bien le rapport entre Areva et EDF. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une guerre entre Anne Lauvergeon et Henri Proglio pour la mainmise sur le nucléaire. Je schématise. C'est vrai. Mais en même temps, il y avait une guerre et en même temps, les deux sont liés. Enfin, les deux ont toujours été liés parce que qui exploite les centrales nucléaires, c'est EDF. Qui a les brevets et qui développe la technologie, c'est Areva. Donc l'un sans l'autre, ça peut pas marcher. Donc les deux sont liés. En même temps, il y avait cette guerre d'ego et puis bon. On peut imaginer que qu'une guerre d'ego. C'est pas seulement une guerre d'ego, mais le reste on peut pas l'écrire sans tomber sous le coup de la diffamation. Donc on va pas le dire non plus. On peut dire que gros contrats avec l'étranger, induisent des commissions, des rétrocommissions. Ces marchés internationaux ne fonctionnent que comme ça. On peut dire que le marché nucléaire, en tout cas, puisque moi, en tout cas, dans le film que j'ai fait ensuite avec Hugues et Bernard Nicolas, on a un témoin pour qui nous dit. Sénat, le film qui est super. Et d'ailleurs, on va en passer des extraits pendant l'émission. Thierry Gadeau est journaliste. Il travaille sur l'industrie nucléaire depuis plus de 10 ans. Pour notre enquête, il a étudié des documents confidentiels, rencontré des dizaines de témoins, qu'ils soient opposants ou partisans de l'atome. L'énergie nucléaire en France, c'est 40 ans de succès puis d'échecs cuisants et aujourd'hui une impasse financière, technologique et commerciale. Au point que certains se posent la question, le nucléaire a-t-il encore un avenir ? Christian Stoffaes, qui est donc un ancien dirigeant d'EDF, dit bien que le marché du nucléaire, le marché international du nucléaire, c'est un marché de corruption. Donc les choses sont claires. Donc évidemment que la bataille qui a eu lieu entre Areva, alors c'est pas Proglio en tant que tel, c'est le système Sarkozy, parce que c'était Proglio n'est jamais qu'un membre du système Sarkozy, était bien une bataille à propos de ces questions-là, oui. Non, on est d'accord. Et alors, les Chinois développent une industrie, enfin développent un nucléaire autour des centrales à sel fondu du thorium, qui sont beaucoup moins dangereuses. Pourquoi est-ce que tu sais où ça en est en Chine et pourquoi en France on est aussi on donne plus de crédit à cette filière-là qui me semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser, en Norvège ou au Japon. J'ai produit un film sur ce sujet. Je l'ai vu, oui. Il fut un temps où le mot énergie avait de quoi faire peur. Accident nucléaire, contamination, liquidateur, corium. Des régions entières évacuées, plongées dans le noir, suffoquant sous l'effet de serre. Où en sommes-nous, à la veille du 22e siècle? Comment rendons-nous le monde meilleur? Depuis 2085, nous sommes le premier producteur d'énergie au monde. L'énergie du thorium. mais je voudrais savoir où ça en est, quelle information. Hein mais qui était excellent aussi le film. Mais c'est là qu'on s'envoie. Du coup. Oui. Non mais c'est Meyram Tenelotto qui l'a fait. Oui. En fait, pendant des années, donc on était sur ces gros réacteurs de puissance pour produire de l'électricité. Donc nous principalement des réacteurs à eau pressurisée. Les Américains avaient aussi une deuxième technologie qui est les réacteurs à eau bouillante. C'est Fukushima, celui qui a explosé. Enfin, les trois qui ont explosé. Le problème, c'est qu'on est le nucléaire, c'est une industrie militaire, donc on aime bien tout ce qui est gros, tout ce qui est puissant, tout ce qui montre la puissance et l'honneur d'un État. Les réacteurs à sel fondu, thorium ou autre, et qu'on classe maintenant dans les SMR, donc les réacteurs de petite taille. En fait, c'est un nouveau créneau qui est en train de se développer. Alors la Chine est en pointe effectivement dans ces recherches-là. Bill Gates et Warren Buffett investissent là-dedans. Oui, alors voilà, il y a beaucoup d'annonces, il n'y a pas grand-chose qui sort de terre jusqu'à présent. Donc on a régulièrement des industriels privés ou étatiques comme la Chine qui annoncent la mise au point d'un démonstrateur ou un futur chantier pour créer une espèce de tête, un prototype ou une tête de série. Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude économique qui valide ce concept. D'autre part, il n'y a rien qui fonctionne réellement. Donc on ne sait pas exactement quelle est temps, parce qu'ils ne peuvent pas construire ces centrales à sel fondu. Ce n'est pas du tout le même modèle que le modèle des centrales nucléaires classiques, on va dire. Mmh. Mais ce qui me trouble, c'est qu'il y avait à Grenoble un laboratoire, des chercheurs très en pointe, peut-être les plus en pointe au monde sur cette nouvelle technologie, et que leur budget a été... Il n'y a plus de recherche en ce moment véritable là-dessus, en France. Alors, parce que la France joue complètement la carte de l'EPR et du gigantisme, on risque de parce que c'est ce qui fait peur, ça peut être un scénario catastrophe, ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'y arrive pas avec ces fameux EPR, la France est plus énergiquement, elle est plus autonome. Oui, alors c'est deux questions en fait, deux questions séparées, parce que pour les SMR, donc ces réacteurs de petite taille, on imagine plutôt les utiliser comme des producteurs de chaleur. Pour des réseaux de chaleur urbains, plutôt que comme des producteurs d'électricité. Donc, a priori, à de rares exceptions près, sur des pour électrifier des zones industrielles perdues au nord de la Sibérie, comme les Russes veulent le faire, on aura peut-être besoin de petits réacteurs. Mais sinon, dans la plupart des cas, ou en tout cas des études qui sortent aujourd'hui, on voit bien que l'utilisation principale de ces SMR, ça sera d'être utilisé comme producteur de chaleur pour des réseaux urbains. Nous, en France, on a de toute façon un problème majeur devant nous. On est incapable, financièrement et techniquement, de construire d'autres EPR. On a un problème, c'est que le parc nucléaire en exploitation arrive en fin de vie, que le prolonger, c'est prendre des risques de sûreté gigantesques. Et si on ne les prolonge pas, comme on n'a rien construit d'autre, on va avoir un gros problème de sécurité d'approvisionnement électrique en France. Donc au cours des 15 ou 20 prochaines années, si le gouvernement s'entête à vouloir réaliser l'impossible, c'est-à-dire construire de nouveaux EPR, on a les deux risques qui vont se conjuguer, à savoir à la fois un risque d'accident nucléaire grave en France et un risque de coupure généralisée ou quasi généralisée en France, oui. Parce que... Là, on est obligé, il faut absolument qu'on parle de l'énergie alternative, de l'éolien, oui. du soleil, de l'eau, enfin, etc. Quelle est la part aujourd'hui de cette énergie dans la fabrication d'électricité? Est-ce qu'elle peut aller en augmentant? Est-ce que, puisque dans les discours publics des écologistes, on dit c'est l'avenir. En Allemagne, il y a un gros investissement là-dessus. Quel est ton regard sur ces énergies nouvelles? Les énergies renouvelables, c'est l'équivalent de l'effet Internet et du numérique. On bascule dans un nouveau monde. Et qui correspond d'ailleurs bien au monde du numérique et du 2.0 ou du 3.0, à savoir que ce sont des énergies qui sont décentralisables, déconcentrables et qui fonctionnent en circuit court, du producteur au consommateur sans passer par d'intermédiaires ou par des grosses infrastructures de réseau, même s'il faut de toute façon toujours un réseau national pour équilibrer l'offre et la demande. Donc, c'est l'avenir. C'est pas l'avenir, c'est déjà le présent, cette évolution-là. Mais la part est quand même minime. La part en France est minime. Alors, on a de la chance parce qu'on a un socle hydraulique. C'est autour de 20-22% actuellement la part de la production d'énergie renouvelable dans la consommation électrique. 75% nucléaire et puis reste quelques centrales à charbon, ouais, essentiellement. Qui sont en train de fermer, qui doivent toutes fermer d'ici 2022 ou 2023. En Allemagne, on les réouvre. Alors, en Allemagne, c'est plus compliqué. En Allemagne, ils ont le problème vis-à-vis du charbon. Ils ont le même problème que nous vis-à-vis de l'atome. C'est-à-dire que, quelque part, l'honneur national allemand, et notamment pour les Länder de l'Est, pour les régions de l'Est, c'est le charbon. Ça a fait l'industrie allemande de la même façon que le nucléaire, quelque part, a fait l'industrie française. Donc, ils ont autant de mal à sortir du charbon que nous avons à sortir du nucléaire. Et donc, alors, ils ont pris quand même un plan qui annonce une fermeture progressive d'ici 2038. Le charbon pollue incroyablement la couche de fer. Oui, c'est responsable du réchauffement climatique. Tout à fait, c'est un énorme émetteur de gaz à effet de serre. Et donc on sait qu'il faut absolument sortir et le plus vite possible du charbon, du gaz et du pétrole. Mais voilà, l'Allemagne a géré ce problème, cette contradiction, c'est qu'ils ont pris des décisions courageuses sur le nucléaire. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pris les mêmes décisions courageuses sur le charbon. En même temps, si on en est sur l'Allemagne, j'ai une petite question à te poser, parce que comment s'appelle le groupe suédois Waterford, celui qui construit des centrales nucléaires en Allemagne. C'est un groupe suédois, un grand groupe suédois. Après Fukushima, les Allemands ont décidé d'arrêter de construire des centrales nucléaires, et ce groupe suédois leur fait un procès avec un arbitrage. Est-ce que tu es au courant de ça ou pas? Parce qu'ils leur réclament 4,8 milliards et les Allemands sont quasiment obligés de payer. – C'est pas étonnant que des exploitants privés de centrales nucléaires ou de centrales à charbon, quand on leur dit qu'il faut fermer alors qu'ils peuvent encore continuer à exploiter, essayent de racketter les États pour avoir de l'argent supplémentaire. Mmh. EDF a aussi obtenu des indemnités ahurissantes pour la fermeture de Fessenheim. – Est-ce qu'en France, on est à 22%, est-ce que toi tu penses que… À terme, à long terme, on peut arriver à 100% d'énergie renouvelable? Oui, on peut le faire. Mais il y a des conditions pour cela. La première des conditions, c'est de mettre en place un grand plan d'efficacité, d'efficience énergétique. Et donc, ça passe d'abord par la rénovation des bâtiments, que ce soit les logements ou le bureau ou le tertiaire. Ça, c'est le premier gisement d'économie est là. Et puis, ensuite, c'est véritablement permettre l'autoconsommation individuelle et collective, à la fois sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'éolien. Et c'est autoriser le développement de ces réseaux intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, qui vont d'ailleurs en partie pouvoir faire du stockage, notamment avec les batteries des voitures électriques. Donc, c'est mettre en place le plus rapidement possible toutes ces solutions, c'est multiplier les appels d'offres pour développer l'éolien offshore, qui est aujourd'hui moins cher quand on regarde le prix auquel a gagné EDF, a gagné l'appel d'offres de Dunkerque, du parc éolien au large de Dunkerque. Ils l'ont gagné à un tarif inférieur à 50 euros le mégawattheure, alors que l'EPR nouvelle génération tel qu'il le présente va produire l'électricité à un coût de 70 euros le mégawattheure. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des municipalités qui installent des solutions solaires, photovoltaïques, plus stockage, à moins de 20 dollars le mégawattheure. Donc, les prix sont en train de s'effondrer, y compris pour le stockage. Donc, on voit bien que les solutions existent. C'est juste une question de volonté politique. Et là, on commençait à faire un tour. Donc, c'est un peu, on va dire, en France, il y a si je t'écoute, une sorte d'aveuglement, quoi, puisqu'on est dans des rythmes. Il y a une histoire nucléaire qui fait qu'on est poussé par le passé pour ne pas regarder vers l'avenir. J'essaie de résumer cette chose-là. En Allemagne, tu dis, c'est assez intéressant, ils ont le même problème que nous avec les centrales à charbon. En même temps, si une centrale à charbon pète, c'est moins grave qu'une centrale nucléaire. Donc, il vaut mieux aller vivre en Allemagne qu'en France, de ce point de vue. Mais je voudrais, si on fait un petit tour d'horizon, l'Angleterre, par exemple, ils sont complètement à poil niveau énergétique. Ils ont besoin de cette EPR. Ils sont pas du tout autonomes. Alors, ce qu'on voit moins en Grande-Bretagne, c'est que heureusement le pays en fait a développé très rapidement les énergies renouvelables, notamment les parcs éoliens offshore. On sait que l'Écosse a aujourd'hui en énergie renouvelable en puissance installée le double de ce qui lui est nécessaire et donc peut largement fournir le reste de l'île en électricité. Oui, c'est les progrès qui ont été faits en quelques années par la Grande-Bretagne, hein, pas seulement l'Angleterre, sont incroyables. Et donc Londres, alors toujours la même chose, Londres est un pays nucléarisé, enfin l'Angleterre est un pays nucléarisé, donc ils continuent à ne jurer officiellement que par le nucléaire, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont autorisé la construction des deux EPR de Taishan, d'Hinkley Point. Mais simplement, il n'y a plus d'argent dans le système. Le Brexit pose d'énormes problèmes parce que remet en cause tous les accords nucléaires avec la Grande-Bretagne. Et donc, très probablement, du fait d'abord du développement extrêmement rapide des renouvelables, de la chute dramatique des coûts des renouvelables, alors que le nouveau nucléaire est de plus en plus cher, le choix va être rapidement fait d'abandonner le nucléaire, de ne pas donner suite. – Ils peuvent abandonner l'EPR. malgré tout. Alors, ils abandonneront pas l'EPR parce que c'est EDF qui le construit et qui a pris tous les coups avec son partenaire chinois, mais ils ne construiront pas d'autres centrales nucléaires. On peut en être quasiment sûr. Et comment ça se passe ailleurs en Europe, l'Italie, l'Espagne? Est-ce qu'il y a des cas particuliers ou est-ce qu'il y a des cas plus dramatiques que d'autres? Alors, l'Espagne a beaucoup hésité sur une sortie ou pas du nucléaire. Ils ont une centrale nucléaire. Mais en même temps, il y a eu un effet d'aubaine sur le financement, le subventionnement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Et après une période de pause due à leur crise, ils sont en train de relancer les investissements dans ce secteur. Donc l'Espagne est plutôt, comme le Portugal aussi d'ailleurs, sont plutôt des pays à suivre, des exemples à suivre. L'Italie, c'est très complexe. Comme toujours en Italie, où les décisions sont pas véritablement prises ou affichées. Donc l'indécision italienne peut être un élément de fragilité en Europe. Si on prend ensuite le nord de l'Europe, alors il y a des pays qui veulent conserver le nucléaire, mais se posent les mêmes questions de financement et de coût de production du nouveau nucléaire. Sinon, ils sont très en avance, comme l'Allemagne, sur le développement des énergies renouvelables. En fait, il y a deux pays qui s'accrochent plus ou moins au nucléaire, c'est la France et la Belgique. La Belgique a annoncé une sortie en 2025, mais en même temps, comme ils n'ont rien construit d'autre, ils se disent qu'ils vont réouvrir du charbon, ou plutôt du gaz, donc ce qui n'est pas très bon non plus pour le climat. Et donc, on sent bien aujourd'hui qu'il y a des pressions internes en Belgique pour essayer de prolonger au-delà de 2025 les centrales nucléaires qui sont dans un état aussi effroyable que les nôtres. Donc, si ça pète en Belgique, on morfle aussi. Hein. Oui, la frontière va pas nous protéger. Ah, on sait jamais. Il y aura un anticyclone qui pourrait nous sauver. Et justement, en parlant de ça, la Russie, La Russie reste un pays nucléarisé. Le Japon aussi. Le Japon, c'est plus compliqué parce que ils ont pas remis en route toutes les centrales nucléaires qui ont été arrêtées après Fukushima. À Fukushima, d'ailleurs, ils ont décidé de tout arrêter, les deux centrales nucléaires, et d'investir sur les renouvelables. Donc eux aussi, ils ont un processus très long à faire parce qu'il y avait que le nucléaire. Donc quand ils ont arrêté le nucléaire, ils ont remis en route des moyens extrêmement polluants, charbon, gaz. Et aujourd'hui, a priori, encore une fois, le gouvernement en place est plutôt pro-nucléaire et veut protéger le nucléaire. Dans la réalité, il apparaît que ce sont les investissements dans les renouvelables qui vont être privilégiés. En France, quels sont les hommes qui décident de la politique énergétique du pays? Les hommes politiques ou les hauts fonctionnaires, combien sont-ils? Est-ce que tu as des informations sur ce petit cénacle? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une réflexion? C'est très simple. C'est l'Élysée, comme de tout temps, qui décide de la politique énergétique de la France. Il y a un monsieur énergie chez Macron? Pas besoin, c'est lui. C'est lui. Mais il n'y connaît rien. Ben bien sûr qu'il connaît tout ce qu'il faut connaître. C'est-à-dire en la matière, à savoir qu'il est pro-nucléaire par éducation. Faut toujours se souvenir que les grandes écoles françaises sont pro-nucléaires. Hein. Sciences Po, l'ENA, donc le parcours que lui a suivi, ou Polytechnique sont des écoles pro-nucléaires où on apprend à la base que le nucléaire, c'est bon pour le pays, c'est l'honneur, la grandeur de la France. Donc il est naturellement pro-nucléaire. Par ailleurs, il a travaillé comme banquier d'affaires dans une banque qui s'appelle Rothschild. Alors le problème, c'est pas qu'il ait travaillé chez Rothschild. Le problème, c'est que Rothschild est la banque historique du nucléaire et que son patron, François Henrot, était l'un des parrains du complexe nucléaire français. Donc il peut pas sortir... d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a rien fait depuis qu'il est au pouvoir pour sortir véritablement et prendre les décisions qui permettraient à la France de sortir du nucléaire. Au contraire, il veut continuer. Et donc, c'est lui qui décide en discussion avec, évidemment, le patron d'EDF, ou plutôt aujourd'hui, le patron du parc nucléaire d'EDF. Toi, pour faire tes bouquins, là, je sais que tu travailles encore sur ce sujet, tu prépares un livre. Une grosse enquête pour le magazine Capital. Donc tu as des informations et tu as des informateurs de l'intérieur d'EDF et du système. Est-ce que ces types ressentent plus le danger et qu'il y a une sorte d'affolement où ils veulent communiquer? Enfin, il y a des lanceurs d'alerte qui ne peuvent pas apparaître comme tels, mais qui te disent qu'on a des raisons de s'inquiéter, quoi. Alors, clairement, il est évident que, par exemple, sur le chantier de Flamanville, il y a eu de nombreux et de plus en plus de lanceurs d'alerte, alors pas vers moi directement, mais vers des associations anti-nucléaires, où les salariés, quand ils constataient des problèmes qui n'étaient pas résolus, avertissaient les associations pour que l'information sorte et que les autorités, notamment l'ASN, soient au courant des problèmes et puissent s'en saisir et déclencher des inspections sur le chantier. Donc il y a une prise de conscience, alors pas de tout le monde évidemment, mais une prise de conscience grandissante au sein du complexe nucléaire. Ils commencent à comprendre qu'ils sont arrivés à la fin d'une histoire. Au-delà d'une facture multipliée par 3 à Flamanville, l'EPR est un échec commercial. Un EPR est en construction en Finlande depuis près de 15 ans. En Chine, l'autorisation vient d'être accordée pour la mise en route d'un des 2 EPR de Taishan. Et puis, il y a le projet Hinkley Point, un feuilleton interminable qui commence en 2009 par l'acquisition par EDF de l'opération britannique British Energy. Près de 15 milliards d'euros pour une compagnie qui en valait 4 fois moins. Christian Sofaes, qui a longtemps animé la stratégie internationale d'EDF, est lui-même très critique. Le nucléaire n'est peut-être pas fait pour être une industrie multinationale, peut-être. Parce que c'est tellement impliqué dans des décisions publiques, il y a de tels enjeux, notamment écologiques, que ce n'est pas un secteur comme un autre. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut peut-être pas aller à l'international, que ça doit rester national. C'était le raisonnement de la CGT, d'ailleurs, au début des années 90, quand ils se sont opposés aux investissements en Argentine et au Brésil. Ils ont encore du mal, là. Ça peut encore durer, d'ailleurs, on voit bien qu'ils font de la résistance, mais ils sont rattrapés par l'économie. Pour reprendre la phrase de Clinton à propos des élections américaines, tout n'est qu'une question d'économie, stupide. Et eux sont particulièrement stupides. Ouais. Donc oui. Ils ne veulent pas voir ça, mais ils sont rattrapés par ça. Comment financer? Quand tu dis eux, c'est combien d'hommes? C'est les principaux dirigeants d'EDF. C'est un état-major de quoi? De 10 personnes, 5, oui, c'est 15, ça. C'est la direction du parc nucléaire, donc qui est aujourd'hui dirigée par Cédric Lewandowski. C'est la direction générale d'EDF. Je ne pense pas que Jean-Bernard Lévy soit aussi jusqu'au boutiste que c'est ça qui est amusant. C'est le PDG. Oui, le PDG. C'est donc l'Élysée, puisque l'Élysée est globalement, et tous les services de l'État qui sont globalement pro-nucléaire et qui ne pensent pas que sortir du nucléaire, d'abord, serait bon pour la France, d'une part, et d'autre part, que ça soit possible. Ils veulent continuer à tout prix. Donc ils ne sont pas encore rattrapés, enfin ils continuent d'être dans le déni de réalité, mais encore une fois, EDF a 60 milliards de dettes, c'est juste une montagne, c'est juste énorme, et rien que pour les 6 EPR qu'ils envisagent de construire à partir dans une dizaine d'années, ça va coûter 46 milliards. Où vont-ils trouver cet argent? Surtout avec une électricité qu'ils vont produire donc à 70 euros le mégawattheure, alors que les prix de marché sont inférieurs à 50 et que les coûts des énergies renouvelables et du stockage ne cessent de baisser. C'est, l'équation économique est insoluble. Mais ils refusent de le dire, ils refusent de le reconnaître. Et donc ils continuent à faire en sorte qu'on prenne les vessies pour des lanternes. Mais bon, ça se voit maintenant. C'est méga flippant, là, ce que tu racontes. Et on a l'impression d'un canard sans tête, quoi, qui continue à avancer. Oui, ils sont déjà morts et le cadavre continue à bouger, malheureusement. C'est et tout ça. Ça te fait marrer, ça. Enfin, je sais, pour avoir écrit des livres et avoir enquêté, je sais que la situation est quand même très dangereuse. Mais parfois, il vaut mieux en rire, quoi, avoir un humour un peu noir. Et parce que toi, ce qu'il faut dire, c'est que depuis ces livres et ce film, tu passes beaucoup de temps à faire des conférences. Tu m'as dit que tu allais en janvier. Tu vas où? Je suis du côté de Cruas. Généralement, c'est les associations qui t'invitent. Tout à fait. Et on peut dire que tu as forgé un militantisme anti-nucléaire. Où, je sais que tu es journaliste, mais à force de traiter de ces sujets, tu es devenu une figure en tout cas de la lutte anti-nucléaire. Alors, peut-être malgré moi, mais je vais te répondre ce que j'ai répondu quand je suis passé devant la commission d'enquête sur la sûreté nucléaire à l'Assemblée nationale, à savoir que avant de commencer à enquêter sur ce secteur, j'étais certainement comme tous les Français, c'est-à-dire vaguement pro-nucléaire, en pensant que c'était pas génial, mais enfin que c'était mieux que rien et que au moins on n'émettait pas ou pas beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis quand je me suis mis à enquêter sur l'industrie nucléaire, et effectivement que j'ai découvert tous ces travers, on peut pas dire que je sois resté un grand ami du nucléaire. Maintenant, est-ce que je me définirais comme anti-nucléaire? Je crois pas, parce que on a besoin du nucléaire dans un tas de secteurs, à commencer par la santé. Mais des centrales plus petites, moins dangereuses, on n'a pas forcément besoin d'uranium. Non. Si? Ça sera difficile de s'en passer. Mais moi, je ne suis pas contre la recherche, de développer de nouvelles sources d'énergie, mais il y a des problèmes de sûreté et de gestion des déchets qui sont immenses. Essayons de résoudre ces problèmes-là avant de décider d'investir à nouveau dans le nucléaire. Mais je n'ai rien contre la recherche dans le nucléaire. Encore une fois, on a besoin de réacteurs nucléaires pour produire un certain nombre d'isotopes, ne serait-ce que pour la santé, et c'est crucial. Aujourd'hui, la santé moderne ne serait rien sans sa partie nucléaire. Dans un certain nombre d'industries aussi, on utilise des sources radioactives pour un certain nombre de chantiers. Donc, mais prenons toutes les précautions, mettons pas la charrue avant les bœufs. Essayons de résoudre d'abord les problèmes, et ensuite on pourra en discuter sérieusement. Est-ce que tu fermerais Bure, toi ? Bure est une atrocité qui ne sera jamais construite, parce que le coût réel va bien au-delà de ce qui est affiché aujourd'hui. C'est infaisable. C'est pas ce qui se dit sur place. Les militants continuent à se battre, heureusement d'ailleurs. Pour avoir eu des indiscrétions d'anciens dirigeants de l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs qui est en charge de la construction de CIGEO, donc de ce site d'enfouissement à 500 mètres sous terre pour planquer toutes nos saloperies les plus radioactives. Donc pour avoir eu des indiscrétions, moi, le coût qu'on m'a annoncé, c'était au moins 80 milliards d'euros. Et certainement 100 milliards. On est encore dans le délire, quoi. On est encore dans le délire, et ça, ce n'est que pour gérer la partie de déchets radioactifs très dangereux produits par le parc en exploitation. C'est-à-dire que si on continue le nucléaire, il en faudra un autre. Où va-t-on trouver tout cet argent? Mais c'est juste là, moi, je suis journaliste économique à la base. Et quand on n'a pas plus d'argent, on n'a plus d'argent, donc faut arrêter les conneries. Non, mais les mecs fonctionnent comme si l'argent, ils allaient en trouver sur Mars ou sur Jupiter. Oui, peut-être. Mmh. En tout cas, Thierry, écoute, si le 5 décembre, ce qui serait quand même étonnant, le soulèvement renvoie ce gouvernement où il devrait aller, d'ailleurs, oui. Très très loin sur Mars, et si un nouveau pouvoir s'installe, je proposerai ton nom pour être PDG d'EDF. Ça te va? Non, je suis pas sûr de sortir vivant des bureaux. C'est super bien payé comme job. Ouais, c'est bien payé. Enfin, c'est payé au tarif d'un patron d'entreprise publique. Donc, c'est capé à 475 000 euros par an, je crois, quelque chose comme 450 000. C'est un peu plus que ce que tu gagnes. C'est un peu plus que ce que je gagne. Mais je te dis, je suis pas sûr de survivre à ma première journée. Quand il y a eu le changement de PDG, il se trouve que je connais bien le nouveau directeur de la communication de Jean-Bernard Lévy. Et la première fois où je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, donc on a convenu de prendre un petit déjeuner, il m'a dit, mais surtout, tu viens pas ici, je suis pas sûr pouvoir te laisser sortir vivant. Donc voilà, c'est à peu près l'attitude des gens d'EDF vis-à-vis de moi. Donc je prendrai un autre poste. Mais écoute, j'espère qu'ils vont regarder l'émission. En tout cas, tu fais un métier dangereux, mais très utile. Et merci beaucoup d'être là. Je vous invite à lire... Qu'est-ce que tu as connu? Ouais. Arrivé à mon amour, EDF, bombe à retardement, nucléaire, danger immédiat, et surtout, regardez le film. Il est téléchargeable sur Internet, le film Est toujours à disposition sur le site de Public Sénat, donc ça s'appelle Nucléaire, la fin d'un mythe. D'accord. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Denis. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur « Soutenez » juste après sur l'écran de fin. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous aimaient en tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelle Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers. Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Alors, mon cher Clément, de quoi allons-nous parler ce soir ? On parle de la réforme des retraites. Fabuleux. Qui est prévue en ce moment par le gouvernement. Et ce matin, Jean-Paul Delevoye était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors, Jean-Paul Delevoye, le grand public le connaît encore peu. C'est le haut commissaire aux retraites. Il est membre du gouvernement. C'est lui qui conduit cette réforme. Et effectivement, sa rhétorique est extrêmement technique. Toutes celles et ceux qui ont suffisamment, c'est un peu compliqué de durée, 27 ans par exemple, catégorie active, peuvent partir à 57 ans. Oui. Le cadre A traditionnel, qui n'est pas enseignant, il a 30% de prime pendant sa carrière. Et in fine, il a la même retraite que l'enseignant, qui lui touche 20% de salaire en moins. Le contrat, c'est 75% du dernier traitement. Oui. La moyenne des fonctionnaires, c'est 22% de prime. Et vous dites 75% du dernier traitement. Et si j'enlève les 22%, les 75 affichés deviennent 50%. Donc c'est une hypocrisie. Bon, alors, quand on l'écoute comme ça, on se dit effectivement qu'on ne comprend pas tout et que cet homme a l'air d'être extrêmement technique, extrêmement compétent. Mais quand on zoome sur son argumentation, on réalise qu'il y a en réalité de nombreux sophismes. Elle est même surchargée de sophismes. Les sophismes en rhétorique, ce sont des arguments trompeurs qui ont l'apparence de la rigueur, l'apparence de la vérité, mais qui pivotent en réalité sur des raisonnements erronés. Et ça commence dès l'intitulé de réforme des retraites. Ce petit mot, le mot de réforme, il est embêtant pour le gouvernement. Il est même un peu agaçant parce que de réforme en réforme, entre la réforme du code du travail, de l'assurance chômage, de la SNCF, des retraites, les Français ont fini par comprendre que quand on leur parlait de réforme, généralement c'était synonyme de durcissement de leurs conditions de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Vous savez, moi j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme. Il s'agit d'un projet de société. Voilà. Donc, dormez tranquille, soyez rassurés. Pas de panique, ça n'est pas du tout une réforme, c'est un projet de société. C'est tout de suite beaucoup plus rassurant. C'est aussi un sophisme. On appelle ça de l'euphémisation. L'euphémisation, ça consiste à atténuer sa pensée en remplaçant un mot connoté négativement, connoté péjorativement par un autre plus neutre. On jette un mot qui a trop servi et on en prend un nouveau. Ça permet de masquer, de camoufler la réalité d'une prise de décision. En d'autres termes, c'est une petite mystification. Cela dit, ça ne suffit pas. Parce que quand on est face à un intervieweur, il va falloir répondre à des questions, parfois même à des questions gênantes. En l'occurrence, on va parler à Jean-Paul Delevoye de la pénibilité. Est-ce qu'elle sera prise en compte par la réforme? Eh bien, regardez ce qu'il répond. Et les conditions de travail difficiles, comment seront-elles prises en compte, ces conditions de travail? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous mettons des règles universelles, les mêmes règles doivent s'appliquer dans le privé et dans le public. Savez-vous que quand vous avez des enfants dans le public, vous avez moins de trimestres et de droits que dans le privé? Savez-vous que quand vous êtes invalide dans le public, on vous met immédiatement en retraite anticipée? Voilà, donc là, on a une question à l'origine qui est extrêmement précise, très claire d'ailleurs. Est-ce qu'on va prendre en compte la pénibilité? Jean-Paul Delevoye répond en parlant de l'alignement des règles entre le privé et le public. Puis il parle de la pension d'invalidité, mais jamais il ne répondra à ce qu'était la question originelle, c'est-à-dire la pénibilité. Et ça, c'est le sophisme le plus simple possible. On appelle ça le sophisme de la fausse piste. Ça consiste à changer délibérément de sujet afin de détourner l'attention de la question originale, qui généralement était une question un peu embarrassante. En l'occurrence, c'est un problème, puisque la question de Jean-Jacques Bourdin était légitime, pertinente, importante, et on aurait bien aimé avoir une réponse claire de la part du gouvernement. Mais peu importe. Au fond, rien de tout cela n'a d'importance, puisque, quoi qu'il arrive, nous allons tous, vous, moi, tout le monde ici, nous allons finir par soutenir cette réforme. Et si vous ne me croyez pas, regardez. L'équation qui est posée, oui, vis-à-vis des Françaises et des Français, oui, voulez-vous continuer aujourd'hui à payer par vos impôts l'équilibre de systèmes qui sont inégaux par rapport à la majorité des Françaises et des Français? Ou au contraire, voulez-vous servir la cause de l'équité, accompagner notre projet? Voilà, donc vous avez le choix, on a tous le choix. On peut choisir que nos impôts servent à financer des systèmes inégaux, ou alors on peut choisir l'équité et donc défendre la réforme du gouvernement, mais c'est comme vous voulez, c'est comme on veut, on a le choix. Et ça, c'est à nouveau une petite fourberie rhétorique, c'est un sophisme dont on a déjà parlé d'ailleurs, on appelle ça la dichotomisation ou sophisme du faux dilemme. C'est un raisonnement fallacieux qui consiste à réduire un problème complexe à deux options et deux options seulement, dont l'une est généralement inacceptable. Au fond, ce que l'on dit, c'est: vous avez le choix, vous êtes avec moi ou contre moi, mais attention, être contre moi, c'est être pour l'inégalité. Bref, euphémisation, fausse piste, faux dilemme. Derrière l'apparence de la technicité et de la rigueur, on a en réalité un véritable festival de sophismes. Et c'est intéressant parce que quand on voit le nombre de stratagèmes auxquels Jean-Paul Delevoye a recours pour défendre sa réforme, on se dit qu'il va falloir peut-être que l'on commence à s'en méfier. Merci Clément. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. On les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Revue de presse. Eh bien, revue de presse, tiens, commençons par quelque chose qui est du passé maintenant. Grève du 5 décembre. Embouteillage monstre, quasiment aucun train, école et crèche fermées. La mobilisation de ce jeudi s'annonce massive. Pour ceux qui ne font pas grève ou n'ont pas posé un jour de RTT ou de congé, l'heure est à l'organisation entre plan B, entraide et système D. Alors ça, c'était Vosges Matin du mercredi 4 décembre 2019, donc avant la grève. Voilà. Bon. Alors, c'est du passé, dirait l'autre, hein. Du passé, faisons table rase, comme dit la chanson. À moins que. Les gendarmes, à l'heure du partage et d'un premier bilan, mercredi 4-12-2019 aussi, à l'occasion de la Sainte-Geneviève, célébrée vendredi à l'église d'Uxenier, la gendarmerie a vécu un moment de recueillement, marqué par un premier bilan de l'activité de ses personnels pour 2019. Les chiffres donnés par le colonel Mangou prouvent que le travail de terrain a été intense. Le travail de terrain. Voilà. Sans commentaire, hein. Bien sûr, sans commentaire, bien sûr. La France élève très moyen. Dans l'édition 2018 de l'étude PISA sur les résultats scolaires des élèves de 15 ans, la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne des pays développés. Légèrement au-dessus de la moyenne des pays développés. Tiens. Mais l'école française reste source d'inégalités sociales. Vous seriez douté de ça, vous? Hein? C'est l'école qui est responsable des inégalités sociales. Eh ben oui! Eh ben tiens. Les inégalités sociales ont fini quand même par les consulter, pour les constater, hein, et les déplorer. Mais comme il faut un responsable, eh bien, ce n'est pas le patronat, c'est l'école. Et voilà. Et l'OCDE pointe le manque de soutien des enseignants et des problèmes de discipline. Voilà, donc la France est un élève moyen, hein, très moyen. Alors que c'est Jules Ferry qui a inventé l'école laïque gratuite et obligatoire. Un Français... un Lorrain, un Vosgien même. Hein? Alors, pourquoi a-t-on dégringolé comme ça dans les palmarès des performances scolaires? À moins que ça ne soit encore... Enfin, bref, c'est les chiffres, quoi. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ça dépend qui les collecte et comment ils sont collectés, comment ils sont analysés, comment ils sont... etc., etc. Hein? Bon, les éleveuses vosgiennes se dévoilent sous l'objectif. Après avoir sillonné l'Afrique de l'Ouest avec sa caméra, le réalisateur Jean-Pierre Valentin poursuit le défi de filmer les Vosges et les gens des vallées. Après l'appel de la forêt en 2015, il livre cette fois un documentaire touchant sur les femmes éleveuses. Avant-première le 9 décembre au Ciné Palace. Le 9 décembre. Ouais. Et voilà, Jean-Pierre Valentin, ben oui. Oui, il est déjà venu plusieurs fois à la radio, Jean-Pierre. Oui, oui. Il a toujours des choses très intéressantes à raconter, hein. Et à montrer. Bon, pas à la radio, évidemment. À la radio, on ne peut pas montrer les photos, donc il faut aller voir les expositions lorsqu'il en fait, hein. Voilà. Et voir les photos. Et les admirer. En 1990, les époux de Lavena ont reçu le titre de juste parmi les nations. pour avoir hébergé deux fillettes juives à Châtenois-les-Forges dans le 90, de 1943 à 1945. Leur fille Marie-Thérèse, qui a eu 100 ans le 1er décembre, se souvient. À Henriette et Émile, l'humanité reconnaissante. La fillette n'a pas reconnu son père quand il a fallu franchir le seuil de la maison. Anne-Marie était furieuse de ne pas avoir été prévenue de l'arrivée d'un inconnu. D'un inconnu, vous vous rendez compte? Un inconnu, entre guillemets. Se souvient Marie-Thérèse Roussel. Elle était en robe de chambre, pas dans une tenue correcte à ses yeux pour se présenter devant un étranger. C'était un matin de juin 1945. Médecin généraliste Jacques Lévy venait récupérer ses deux enfants chéris, impatients, tremblants d'émotion. Anne-Marie, l'aînée, et Lucette, surnommée Minouche. Plus de 2 ans qu'il ne les avait pas serrés dans ses bras. Le 17 avril 1943, elles ont posé leurs maigres valises au 17 rue du Général de Gaulle, à Châtenois-les-Forges, dans le territoire de Belfort, chez Henriette et Émile Delavena et leur fille, Marie-Thérèse, âgée de 5 et 4 ans. Elles avaient été convoyées depuis Saint-Claude, dans le Jura, par Gabriel Lassure-des-Milles. À cette époque, la traque des Juifs par les Allemands. Suppléée avec zèle, par le gouvernement fantoche de Vichy, dont les premières lois antisémites ont été promulguées en octobre 1940, s'intensifiaient. L'étau mortifère se resserrait. Après l'armistice de juin 1940, maman a travaillé en qualité de secrétaire au bureau militaire de Saint-Claude, qui s'occupait des militaires français démobilisés, poursuit Marie-Thérèse. C'est là qu'elle a rencontré le docteur Lévy, qui a fini par être renvoyé de l'armée. Ils ont sympathisé. Elle l'a aidé à trouver un logement pour les siens, une maison isolée, un peu à l'écart de Saint-Claude, des vivres, un emploi, un poste de comptable chez un pipier. Elle l'a soutenu moralement aussi. Voilà, alors on les a fait passer pour des petites cousines et on a changé leur nom. Lévy est devenu l'ami. Alors, cette famille a reçu le diplôme d'honneur. Le présent diplôme, atteste qu'en séance du 21 août 1990, la commission d'hommage aux justes des nations, établie par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage à Émile et Henriette Delavena. Voilà. Des gens qui résistaient. Actuellement, il y a des gens qui résistent à Macron, hein, et puis il y a les autres qui ne résistent pas. Et ben déjà à l'époque, il y avait des résistants et des collabos, des courageux et des lâches. Des gens résignés à tout subir, et puis des gens qui avaient la fierté de résister. Ouais. La fierté, la volonté, le courage. 333 mineurs non accompagnés dans le département, chargés d'assurer l'accueil des réfugiés étrangers, notamment des mineurs non accompagnés. Tiens, le conseil départemental en 2019, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, c'était pendant la dernière guerre, mondiale, il y a 70 ans, hein, le conseil départemental des Vosges a été contraint de s'organiser pour faire face à ce flux migratoire qui a explosé depuis 2013. Actuellement, ce sont ainsi plus de 300 jeunes qui sont hébergés et accompagnés. Hein, les choses s'arrangent, mais pas vite.